contrat municipal étudiant avec des engagements réciproques où la municipalité participera à l'effort que font les étudiants, mais en contrepartie, les étudiants devront rendre un service à la collectivité, comme par exemple aider les enfants qui sont dans un état de décrochage scolaire ou aider nos anciens également à les accompagner jour après jour. En contrepartie, la collectivité aidera les étudiants pour avoir un complément de bourse en fin de mois, parce qu'il n'est pas facile de vivre dans une ville qui est devenue très chère, qui est une des villes les plus chères de France. Il n'est pas facile, donc il faut trouver des dispositifs et des dispositions qui soient en mesure d'aider ces étudiants. L'idée, c'est de vivre une nouvelle solidarité, une nouvelle unité dans cette ville, c'est de dire à tous ces jeunes qui sont en difficulté, nous vous tendons la main, nous vous aidons, mais vous êtes aussi là pour aider la collectivité. C'est une nouvelle solidarité.